Que Dieu protège mon grand frère, même s'il y a qu'un an d'écart. C'est lui qui assume la maison quand papa a fait son départ. On a grandi à Herbel, le frigo vide comme nos poches. Personne nous a calculé, que ce soit les amis ou les proches. Et un jour, il m'a dit quoi, tout va changer, je me souviens. Je vais faire des sous comme je peux, dis pas à maman d'où ça vient. Il a commencé guetteur devant la porte. À l'époque, c'était le shit, ma gueule, ça vendait pas la coque. H24 dans le bloc, disons, je le voyais plus beaucoup. Mais on avait de quoi s'acheter, de la graille et des habits cool. Mais RG en voulait plus, donc il a scellé son cœur. Il se levait à 7h pour voler les motos du secteur. Première condamnation, il rentre à 15 ans. J'entends les pleurs à la maison, je crois qu'il perd la raison. Un enferme, ça suffit pas pour un petit qui a trop souffert. Pour un petit qui a pas de thune, qui doit assumer son petit frère. Il a fait ça pour qu'on mange, pour qu'on soit pareil que les autres. Parce que son père est maçon et que sa daronne frottait le sol. À cette époque, je faisais du son, mais le studio c'était beaucoup. Il m'a dit fouet, t'inquiète pas, je paye tout. Et surtout, te mélange pas si on te propose de signer. Parce qu'au début, c'est tout rose, ça finit toujours par saigner. J'ai écouté ses conseils, j'ai enchaîné les concepts. À l'époque, y'avait à peu près 10 personnes au concert. Il m'a dit gros, ne lâche pas, moi je suis fier de ce que t'es. Peut-être que c'est moi qui te nourris, mais ça sera toi la fierté. À cette époque, je faisais des sons, pendant qu'RG faisait des sous. Puis retourne, il rentre en prison, je commence à faire le sourd. D'un coup, la musique, j'arrête, je me mets avant des parettes. La daronne a vite cramé que son gâté n'est plus pareil. Attends, gros, j't'ai pas tout dit, devant les armes, je rougis. Depuis que je me suis fait tapasser, mon dé en l'air pas rudit. C'est pourquoi je suis pas pudique, parce que j'assume mon passé. Et puis la haine que j'ai envers eux, le temps l'a effacé. C'est pourquoi je suis pas pudique, parce que j'assume mon passé. Et puis la haine que j'ai envers eux, le temps l'a effacé. Sans rancune. 2017, je traîne avec Youssef, des sous j'en veux bezef. Des kilos dans le coffre, environ 50, mais on reste zen. Et si j'étais sorti des noms, c'est pour que t'ailles demander ce que j'ai fait avant de monter les bâtards et les coups montés. Je voyais mon frère en prison pendant les jours au parloir. Je faisais rentrer du shit, des téléphones et un truc à boire. Sinon, maman, comment elle va? Parce qu'Ena, tu sais qu'elle t'attend. Mais t'as le CLM de pistache, tu t'as dit, tiens-toi bien dedans. Les mandats envoyés et les habits envoyés. Et la demande pour la sortie en provisoire renvoyée. 2007, papa nous quitte pendant qu'RG est dedans. Allah Yirahmo, il était malade, nous a quitté en peu de temps. Il a fait une demande pour sortir et voir le corps de son père. Mais la prison n'est pas d'accord, ça sera sans lui qu'on l'enterre. Du coup, je monte tout seul au bled avec papa dans la soute. Je le remercie de m'avoir inculqué les préceptes de Rasoul. Quand je l'enterre, j'ai 17 ans. Ce que je vais devenir, je sais pas. J'osais pas pleurer devant la daronne, plongée dans ses bras. J'ai compris vite, même si j'étais jeune, j'allais prendre la place de Raida. En attendant qu'il fasse à peine aller-retour à Meuda. Je suis dans le haram, mais bon, j'en suis pas si fier. Et même si oui, j'ai souffert, je sais que la daronne a souffert. Je trouve mon premier taf en sécu. Combien de temps, je sais plus. Je sais que mon grand frère est fier, il me l'a dit quand on s'est vu. Et quand je t'ai fait halal, en parallèle, je faisais du son. J'ai vite compris la leçon, pour percer, fallait faire du sombre. J'attends Greda sort de toll pour financer le projet. Mais l'avocat sait que quand il faut payer, qu'il va décrocher. Et ça a duré 2 ans. Je vais t'épargner les détails, les poussettes qu'ils ont fait les gens. Accusés de vol de bécane. Et Amadou, c'est notre frère, jamais on aurait fait ça. On a grandi ensemble, on connaît son histoire après ça. Je suis repéré pour faire le film chauffe. Truc de ouf, il a fallu 15 ans pour que les portes s'ouvrent. Je demande au réal de faire hommage à mon frère. Si je m'appelle Reda dans le film, en vrai c'était pour le rendre fier.